dors, dors, dors. Amis du monde, amis des ondes, bonjour, c'est Cargo Cult. Un album, une écoute, une longue explication, voire juste extraordinaire contemplation. Ça y est, je le fais, ça y est, j'ai retrouvé des amis. Oui, je vais vous faire une confidence, j'étais en train de perdre mes vrais amis. Pourquoi ? À cause de Cargo Cult et parce que, depuis 3 ans que cette émission existe, jamais, je n'avais évoqué Cabaret Voltaire. On était en plein incident diplomatique, il fallait à tout prix rattraper ça. Et bien sûr qu'il était temps. Cabaret Voltaire, pensez donc, quel monstre sacré dans le panthéon des musiques qu'on aime ici, sur Pinode et ailleurs. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Vous savez, quand on a un espèce de morceau de choix comme Cabaret Voltaire, voilà, par quoi on commence, quoi. Sachant que sur leur carrière est absolument énorme, les multiples alias que tout le monde a pris après, d'un côté ou de l'autre, et puis, sans même parler des side projects, leur simple discographie étant énorme, par où commencer, quoi. Finalement, j'arrivais plutôt au début. Et voilà, trêve de suspense, l'album du jour, celui dont on va parler, c'est le 2x45, un titre un peu plus clair, c'est un double maxi. Alors là, on peut le considérer comme un album, enfin à l'époque c'était très intéressant de marquer la distinction. Ouais. Un 2x45 tours, quand bien même il est sur une galette de 30 cm, ça n'est pas un strict album. Ouais, c'est même un album mieux amélioré. Et parfois on va voir que c'est pas juste une coquetterie esthétique de faire un double 45 tours. Ça a du sens, ça renvoie à une culture et ça renvoie pile poil à un entre-deux dans lequel Cabaret Voltaire n'a peut-être jamais été aussi bien que justement sur cet album-là, le 2x45, le double maxi. Autant que je vous le dise finalement, parce que je dis par quoi commencer. Cabaret Voltaire, il y a tout simplement un disque que j'aime parmi plus que les autres. Ouais, mais si, hein, y a une hiérarchie des fois à faire, voilà. Bah, c'est celui-là. Si vous menacez de ne garder qu'un seul de mes 10 de Cabaret Voltaire, croyez-moi, j'en ai plusieurs. Pas tous, mais beaucoup. Et ben voilà, ce sera celui-là. Ouais, parce qu'en plus, il est beau. Il est sombre comme le groupe, sombre à l'extérieur, et totalement brillant à l'intérieur. Ah, je viendrai sur la description de la pochette un petit peu après. On va pas échapper à ma voix, mais je vais le faire rapide, hein, un petit historique de Cabaret Voltaire. J'ai presque envie de dire que l'histoire est connue. Quand on a un des piliers comme ça d'une scène fondamentale, celle qui va naître à Sheffield au tout début des années 70, et puis un pilier de ce qu'on va appeler le rock industriel. Ça naît en 1973, donc plutôt tôt, hein, le premier disque de Cabaret Voltaire, ce sera pas avant 1977. Mais ça nous renseigne, ça veut dire que le groupe va travailler, et spécialement dans une configuration de... On ne parle pas de home studio à cette époque-là, mais les débuts de Cabaret Voltaire sont marqués par l'utilisation de tape loops, de musique concrète for dummies, si vous voulez, ces oscillateurs faits maison. Et finalement, tout ça principalement centré autour des figures du trio, puisque c'est un trio, on va le rappeler, et c'est peut-être sa figure la plus technique, c'est l'aîné en plus, c'est Chris Watson. Chris Watson, il est doué pour ça, il l'est toujours, il a une carrière fondamentale, on y reviendra certainement après, mais pas avant la fin de l'émission. Et donc, le trio fondateur, Chris Watson, l'aîné, Stéphane Malinder, puis Richard Harker, qui est lui entre guillemets, le petit dernier, c'est le plus jeune du trio, a effectivement commencé à bidouiller pas mal, jusqu'à ce que même, en 1977, Chris Watson, un petit peu en fond, puisse même financer un studio encore un peu mieux équipé. Ils sont au deuxième étage d'un immeuble commerçant et ma foi, bien installé à Portobello, ça m'a dit Portobello Road, mais pas du tout celle de Londres. Évidemment, on était à Sheffield, donc... Dire que l'humeur de Sheffield au début des années 70, enfin au milieu des années 70, et celle de Londres sont un tantinet indifférentes, ce serait participer de l'euphémisme. Sheffield, nord de l'Angleterre, Sheffield, ville de l'acier, ultra en crise. Autant le dire tout de suite, le rock industriel naît d'une désindustrialisation absolument pathétique dans ces pays-là. Ça nous touchait aussi, hein, les bassins houillés, etc. Mais la musique industrielle va être une revanche, finalement, à une industrie qui est en train de mourir et puis qui va laisser probablement en dessous des familles et des industries. Hélas, c'est une histoire qu'on connaît trop bien. Mais cette possession de l'industrialisation par le biais de la musique et détournements absolument majeurs qui vont commencer à devenir maître mot dans une scène qui attend qu'une étincelle pour démarrer. C'est amusant parce que le rock industriel, on l'associe à... c'est une explosion qu'on va associer à celle du punk. Mais en fait, l'étincelle industrielle était là bien avant. Simplement, elle a profité justement de l'explosion du punk pour aller surfer dessus et se faire valoir. Et ça, c'est le maître mot de ce qu'a permis aux deux groupes majeurs de s'exprimer et de se faire remarquer. C'est évidemment à Londres, Throbbing Gristle, TG, disent les intimes, et à Sheffield, dans le Nord, Cabaret Voltaire, Cab, disent les intimes. Et évidemment, c'est pas du tout un hasard que l'un comme l'autre soit à épuiser leurs références directement dans les avant-gardes artistiques, bien plus que dans celles du rock'n'roll pur et dur, comme bien même il serait très teigneux et chargé de plein d'émotions comme on l'aime. Cabaret Voltaire, ça n'échappera à personne, c'est évidemment un clin d'œil plus que majeur au cabaret Voltaire zurichois du début du XXe siècle, le club où tout dada allait s'enquiquiner, s'encanailler plutôt, et accessoirement enquiquiner une audience qui n'aimait pas trop leur délire poétique à l'époque, hein. On va pas faire de dada des stars immédiates. Il y avait un petit peu de punk avant la lettre dans cette poésie-là au tout début du XXe siècle. Donc voilà. Et que l'histoire de Dada, elle rebondisse chez des musiciens un peu affûtés. Beaucoup viennent d'écoles d'art, c'est une histoire assez connue. Le punk va aussi bien ensemencer dans les couches ouvrières que dans les couches peut-être un peu plus éduquées et branchées écoles d'art de l'époque. Et tout ça se mêlera assez bien. Et ma foi, s'il y a une musique qui va faire le lien, c'est probablement cette musique industrielle, froide, volontairement froide. Parfois difficile, mais aussi ludique, truffé de références. Voilà. Et Sheffield va être la scène forte de ça. Pas la seule, évidemment, mais Sheffield va être une scène forte, d'abord parce qu'effectivement, Sheffield va concentrer une énergie qui appartient peut-être qu'au nord plus qu'au sud. Sheffield, c'est très proche de Manchester, encore plus proche de Leeds. Voilà. Et quand le groupe va commencer à tourner, avant même de signer, le premier album va être fait sur Rough Trade. Là, le Rough Trade, qui est certes le magasin de disques qui a pignon sur rue à Londres, mais c'est aussi assez tôt un label. C'est une des premières signatures d'ailleurs du label. Mais il y a une concurrence avec un autre label du Nord qui lui va aussi faire son histoire, mais il en est au strict balbutiement à ce moment-là. C'est Factory. Voilà. Et ma foi, ça échappe à Factory pour être signé sur Rough Trade. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que Factory va développer un autre artiste qu'ils ont sous le coude, c'est Joy Division. L'histoire aurait pu être tellement différente si Factory avait finalement potentialiser les efforts qu'ils pouvaient octroyer à un groupe sur Cabaret Voltaire plutôt que Joy Division. L'un et l'autre, on joue ensemble, hein, d'ailleurs, c'était intéressant. Il y avait des scènes où voilà, il y avait une première partie d'un sur l'autre, et inversement, voilà, il n'y avait pas de lead particulier. Alors ces concerts-là, c'était vraiment au début, c'est-à-dire que c'était avant les disques. Cette fameuse proximité avec From Gristle, il convient aussi d'insister parce qu'on en a fait des frères ennemis un peu à un moment. C'était ok, c'est un peu marrant pour la presse, mais ça n'avait pas plus de sens que ça. C'était pas des rivaux. Toute cette genèse, c'est même une primo-genèse du groupe de Cabaret Voltaire, donc de 73 à 77, il y a eu plein de bandes, plein de trucs, des petites bidouilles totalement bizarres, qu'en fait, Industrial Records, donc le label de From Gristle, a édité. Parce qu'effectivement, Rough Trade n'en voulait pas, c'était trop expérimental, c'était trop bizarre, c'était même un peu mal foutu, mais en fait, c'est absolument génial. C'est toute l'énergie, finalement, qu'on pouvait trouver chez des têtes chercheuses aînées. Hein. Ça ne vient pas de rien, les tape loops. On ne va pas refaire l'histoire de la musique concrète, mais enfin, effectivement, c'est là. Brian Eno s'était quand même plutôt exercé au truc. Et voilà, il y avait une descendance immédiate qui avait qu'à récupérer le truc. Mais effectivement, ils mettent probablement un peu de hargne, une acidité sociale ambiante ne demandait qu'à être traduite ainsi. Et ma foi, ça pouvait donner cette esthétique froide et sublime, lumineuse et ténébreuse à la fois, quoi. Donc, Carmine Walter va assez vite se faire remarquer. Très très vite, dès le premier album, quoi. Et puis, ma foi, on va s'enchaîner avec Red Maker. Bref, il y a trois albums coup sur coup sur Rough Trade. Et tous sont, j'ai presque envie de dire, des classiques instantanés. Mais finalement, il y a un virage qui va s'opérer en 1982, c'est exactement l'année où je nous mets là. Alors c'est un virage à la fois technique, financier. Cabaret Voltaire va finalement devenir un groupe assez business. Alors je m'explique. 2x45, album du jour, est signé chez Virgin. Alors, sous couvert du sous-label Virgin, somme bizarre, mais quittant Rough Trade pour Virgin, donc on arrive comme sur une major, et le groupe négocie 50 000 quid, 50 000 livres d'avance. 50 000 livres en 1982, c'est pas mal du tout. Vraiment, c'est pas mal du tout. Cela va servir à équiper un studio flambant neuf, avec une technique haut de gamme, et croyez-moi que ça va s'entendre dans le disque qui suit. Mais vraiment. De vous à moi, j'ai le 45 tours de l'époque, enfin le double 45 tours de l'époque. Encore en très bon état, pas même un petit craquement dessus. Croyez-moi que mes disques ont 40 ou 50 ans, ils ont un petit peu... Enfin, il y en a qui ont vécu. Celui-ci, le son est parfait, il n'y a rien à modifier, il n'y a pas une équalisation à faire, c'est impeccable. Il y a une production de 1982 qui laisse un petit peu sans voix. Ce disque, c'est finalement pas un secret, c'est devenu un proto-classique de la rêve culture. C'est-à-dire qu'en 1982, on est dans une musique de danse, on est dans une musique électronique dansante avec des titres à perdre haleine. Tous les titres qui composent cet album sont longs. Le plus court fait 7 minutes et le plus long en fait 12. Voilà. D'où, effectivement, cette esthétique du double maxi 45 tours. Le maxi 45 tours, c'est le format de la dance music. C'est le format du disco. Et c'est le format de la club music. Or, en faisant une référence technique au maxi 45 tours, on fait clairement une référence aussi esthétique à la dance. Et puis, question d'être punk, on s'en fout, finalement. Hein. Le punk, c'est du rock qui est en passe de se faire racheter par l'industrie. En 82, c'est le cas. Les Clash vont se séparer, parce qu'effectivement, ça ne sert plus à rien. Bon, alors parenthèse sur le punk, et revenons à ce qui devient finalement une musique industrielle qui va trouver son salut que dans la danse. Le rock est corruptible, la danse peut-être moins. Et c'est exactement ce à quoi va s'employer le groupe en 1982. Les titres donc ont cette atmosphère proto-rêve, quoi. C'est la danse, c'est le rituel, sans l'ecstasy. Ça va venir, hein. Le Nord va se lâcher, ils seront les premiers, ils seront en tête sur ça. Mais il y a une réussite quasi parfaite ici, un équilibre entre la dance et la politique, entre le froid et le chaud. Car évidemment, chez Carmine Walter, et là il convient d'insister, il y a une dimension politique, et comme il l'est dans tout le rock industriel d'ailleurs, il y a un univers de samples assez incroyable et plutôt sibyllin, pas facile à distinguer dans cet album-là. Et à mon avis, c'est un clin d'œil très volontaire et une influence marquée par un disque qui ne sort pas si longtemps que ça avant, mais qui a quand même légitimité sur cette philosophie du sample et de l'emprunt. C'est le fameux album que Brian Eno et David Byrne vont signer ensemble, juste en side project de Remain in Like. On est pile poil en 1980. Donc, cette utilisation du sample, cette notion presque chapardée de voix radiophonique et de contenu un petit peu politique, et pas juste de sample groovy, ou de 2 à 4 mesures d'un morceau qu'il ferait, ça va camper dès le début des attitudes comme celle justement de Carmine Walter. si vous faites attention au texte, voilà, qu'on y parle quand même de séances de torture, et qu'il y a vraiment un manuel de torture qui est lu et dicté par une voix comme ça d'outre-tombe américaine, des voix moyen-orientales comme ça très grinçantes. C'est particulièrement le cas du tube. Il y avait un tube, Yachar, et c'est vrai, c'en était un. Il y avait un effort promotionnel, il y avait un clip, c'était même dans les charts. C'est pas premier, mais je pense que Yachar a dû être 35e dans les charts britanniques de ce moment-là, avec un morceau long, 7 minutes. Et ces voix complètement moyen-orientales, la musique elle-même l'est, avec des tambours, alors par contre beaucoup plus industriels derrière. On sent cette espèce de c'est un pitch, si vous voulez, un peu shifté, une harmonie comme ça, qui. Voilà, c'est pesant et c'est dansant, quoi. Et il y a cette intro vocale, donc j'ai eu du mal à retrouver la référence à l'époque, je sais d'où ça vient, puis hein, aujourd'hui l'internet vous aide évidemment, notamment le fameux site whosample.com qui va vous trouver des origines de samples hein, parfois insoupçonnées et qui se trompent très peu, voire jamais. Et il y a cette fameuse phrase qui ouvre le morceau Yachar, there's 70 billion people on earth, where are they hiding? Voilà, traduction littérale, il y a 70 millions d'habitants sur Terre. Où se cachent-ils ? Voilà, bah c'est une intro, c'est dans le Au-delà du réel, The Outer Limits, plus connu mais en France sous le nom de Au-delà du réel, un show incroyable, et ta première édition. Et ça, c'est un épisode de 1964. Donc voilà, et ça renvoie effectivement à cette esthétique du sample comme ça. Dadaïste, et on le serait à moins quand on s'appelle Cabaret Voltaire, et situationniste aussi. Et Cabaret Voltaire, c'est ça. C'est le situationnisme en musique avec effectivement une influence proto-punk et fun dada. Et ils le font très très bien. J'ai presque envie de dire mieux que Flaming Whistle. Alors j'ai l'impression de les remettre en concurrence, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Parce qu'ils vont en tirer parti quelque chose de beaucoup plus. Moins frontal, finalement, moins agressif et plus corporel. J'insiste sur ce virage clair et net qui va être celui de la danse, qui est pris effectivement avec ce double maxi 45 tours. Et à lui tout seul, il va dumper la scène locale de Sheffield. Parce que Sheffield va devenir une scène importante. En fait, ça l'est déjà, mais Cabaret Voltaire ne pouvait pas tout seul péter la baraque. Et ceux qui vont vraiment péter la baraque, en tout cas qui vont vendre, c'est des groupes comme Human League, par exemple. Et toute cette synth-pop, finalement, elle doit en proportion peut-être plus à Sheffield que strictement à Londres, ce qui paraît assez incroyable. Ou Human League, je pense à ABC, les Thompson Twins, c'est des groupes qui viennent ça dans la foulée. Club DVA, qui est déjà là, qui est très intéressant aussi. Voilà. Rappelez-vous, mettra pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps après, mais quand même micro-génération pour que un des labels fondamentaux de la rave culture et l'électronique dansante fasse foi, c'est Warp Records, qui va arriver dès la fin des années 80. Et bien sûr, je vous le donne en mille, Warp Records va travailler un peu, en tout cas indirectement avec Cabaret Voltaire, spécialement avec Richard H. Kirk. Voilà. Bah écoutez, j'ai encore plein de trucs à dire, mais on se récupère après. On va écouter l'entièreté de ce double maxi, 2x45, ni plus ni rien. Peut-être qu'avant, je vais me dire à moi, oui, la pochette, j'avais promis de parler de la pochette. Très intéressant, ça, de faire une pochette complètement noire, fermée. Elle s'ouvre un petit peu comme un classeur, et c'est à l'intérieur qu'on trouve la déco. Elle est absolument brillante, argentée, c'est vraiment, c'est un travail tout à fait remarquable, un travail de Neville Brody. Neville Brody se pose là quand même en tant que designer, l'esthétique de The Face, bah c'est lui, donc du coup ça va devenir un petit peu l'homme à chercher, et c'est marrant parce que Neville Brody, The Face, enfin toute cette esthétique-là, en 82, elle est bancable. Carrément, elle est bancable. Je rappelle que Virgin a mis de l'argent, il y va de soi que Neville Brody était bien payé pour son truc. Mais deux ans auparavant, Neville Brody pouvait vous faire une pochette gratuitement. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans ce creuset où effectivement, il y a un business à prendre. Et coup de bol, ce business-là, il est pris par un groupe comme Cabaret Voltaire. Donc évidemment, la légitimité, elle est juste à 200%, ok. Mais en plus, avec cette légitimité-là, ils vont mettre le bouchon assez loin. Et croyez-moi, je pense que ça reste un des exercices les plus radicaux de Cabaret Voltaire. Quand bien même, il est finalement mené par la danse. Il est absolument impeccable. Ce double maxi, il se construit avec deux maxis, un tantinet différent. En fait, dans le premier maxi, Cabaret Voltaire est encore là sous la formule trio. Donc je rappelle, Chris Watson, Stephen Van Hilder et Richard Hedgekirk. Le deuxième maxi, quand bien même il a le même son, une production très très proche, il est en duo. Et justement, Chris Watson s'en va. Je ne crois pas qu'il soit écarté du groupe, hein, mais à l'évidence, il y a quand même une légère dissension. Quelqu'un, on veut aller vers le corps quand les autres sont plus sur le cérébral et l'expérimental. Et puis, en même temps, Chris Watson va se faire offrir un des métiers les plus enviables du monde. Il va être employé par la BBC pour être un field recordiste absolument émérite, quelqu'un qui va enregistrer les sons de la nature de par le monde. Grâce à ça, il fera une carrière assez extraordinaire. Il continue à la mener et puis il mettra après son groupe, la Flair Trio, qui lui sera aussi clairement dans l'expérimentation. Donc ce point nodal, c'est une rencontre, mais c'est aussi une séparation assez fondamentale dans le groupe et puis qui va tracer la tangente qu'on connaît un petit peu mieux par la suite. Autant dire que cet album est peut-être le meilleur des deux mondes, en même temps que la préfiguration d'un monde qui arrivera 10 ans après. Bonne écoute, on est réellement dans un disque culte aujourd'hui, le 2x45 de Cabaret Voltaire. We'll be right back. of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? Program active. That's not us, Bob. Swift Locker needs an air. Federal Studios. I was fun. This is a news transmitted in some. It's coming to you over the. Where are they hiding? Where are they hiding? Where are they hiding? Where are they hiding? Thank you. they hiding? The 70 billion people of Earth. Where are they hiding? The 70 billion people of Earth. Thank you. torture that they're right in front of you. Can you believe it? The best my soldier can use, really, is the rat one. They use a good one. What they do is they take a rat, a real hungry rat, they stick it on his stomach, they put a slit on his stomach. Stick the rat on his stomach, which will run away, so then they put a copper pot on top of his stomach. They strap on his stomach. They start the fire on top of the pot. The top of the pot on top of his butt getting hot from the top down. The rat goes crazy. It's only one way out. Through the stomach. Oh my God. Feel it. You've got it. You can see it. You can see it. You can see it. But you can see it when it's in your stomach. It keeps on going through. Ah!

Get out of my face. Voilà, c'est la track pénultième. C'est vraiment c'est ce dernier morceau qui conclut l'album. Ça me relâche sans voix. Allez, je suis dans les confidences parce que c'est 12 minutes, ça, c'est le morceau le plus long du disque. incontestablement la pièce maîtresse, mais là encore une question de goût. Il y avait des avis, je viendrai d'ailleurs, il y a presque des guerres à l'époque autour de ce disque-là. Mais le simple fait d'adorer ce disque et se rendre compte que c'est une gigantesque boucle, je vous incite à faire une boucle. Donc j'avais pu à l'époque, par petits soins, avec un enregistrement bien calibré, en lâchant la pause exactement au bon endroit, en tout cas en tentant de le faire au mieux, à compiler sur 45 minutes, c'est-à-dire la face A d'une cassette de 90 minutes, c'était le standard à l'époque, ce morceau-là répété 4 fois. Bravo! Tout ça en rendant hommage évidemment au format 45, je rappelle que cet album s'appelle 2 fois 45 minutes. Et comme une révélation en cache toujours une autre, j'ai aujourd'hui pris conscience, en numérisant cet album à partir du vinyle, que mis bout à bout, les 6 tracks de cet album, puisqu'il n'y en a que 6, hein, comme je vous ai dit, les titres sont longs, particulièrement le dernier, les 6 tracks de cet album mis bout à bout font 45 minutes. Eh bien dis donc, s'il n'y a pas du vaudou dans la place, en tout cas chez Cabaret Voltaire. Bah merci de réagir comme ça aussi, aussi vivement sur le chat, je suis très content. Je savais que je me ferais des amis en mettant Cabaret Voltaire. Tout ça se confirme. Et c'est effectivement, la citation, c'est bien vers 70 billion people on Earth. « Where are they hiding ?» Et pas 7 millions, c'est-à-dire 70 billion, c'est 70 milliards. Or, on a tendance à entendre 7 milliards, ce qui était à peu près le nombre d'habitants sur la Terre à une époque donnée, on arrive à 9 maintenant. Mais je vous rappelle que cette citation « vers 70 billion people on Earth, where are they hiding ?» est donc piquée. Oh, à la grande série de science-fiction Au-delà du réel, dans un épisode de 1964. On peut donc supposer que dans cet épisode-là de science-fiction, effectivement, la Terre comprenait largement plus d'habitants qu'elle n'en comportait. À l'époque, donc, 70 milliards. Que cela soit dit, cette phrase, elle est devenue culte, et finalement, pas tant grâce à la série Au-delà du réel que grâce à Cabaret Voltaire. Il y a un titre et un nom de groupe emprunté à ça, et un titre par un groupe, alors le nom m'échappe, mais c'est un groupe d'électro-noise polonais, qui s'appelle ainsi « There's 70 billion people on Earth, where are they hiding ?» Tout est dit, tout est dit. Quant au format double 45 tours, eh oui, il convient d'insister dessus. Donc, ok, référence à la dance music, il va de soi, qui plus est, une possibilité technique avec le double 45 tours qui permet de graver un sillon beaucoup plus large, d'y masteriser des basses beaucoup mieux, enfin bref, avoir un support d'inscription du son de meilleure qualité qu'un simple album. C'est pas à prouver, mais l'histoire est amusante parce que la naissance du maxi 45 tours, elle tient d'un hasard. Elle tient du fait que DJ new-yorkais, en pressant un disque et à qui il manquait finalement une matrice de 45 tours, a dit « Bon, écoute, on va prendre celle d'un 33 et puis on va mettre le morceau dessus. » Et tout d'un coup, ça sonnait beaucoup mieux, beaucoup plus fort, avec des dynamiques beaucoup plus belles que sur un format simple. Donc DJ s'était gagné et la dance music trouvait son format. Non seulement elle trouvait son format, mais grâce à ce format, elle trouvait expression. Donc voilà, la technique rattrape la création et inversement. Et en ce sens-là, Cabaret Voltaire est là encore à une charnière pile poil. Cette accaparation du format maxi 45 tours multiplié par 2, voire par 3, il avait déjà une histoire dans la musique anglo-saxonne, je pense à la musique anglaise. Notoirement, l'album de Public Image, la Metal Box de Public Image, qu'on présentait comme un double album, en fait, est un triple maxi 45 tours dans son format d'origine. Encore les Talking Heads avec l'album qui succède à Remain in Light et qui est en fait deux maxi 45 tours, alors qu'ils pouvaient s'acheter de façon séparée. Donc c'était un petit peu tantinamisaire. Effectivement, il y avait deux maxi 45 tours qui sortaient en même temps, avec possibilité d'acheter les deux ou bien d'en acheter qu'un seul. Autre disque, et qui m'a marqué et me marque d'autant plus aujourd'hui, c'est l'album de Replicant Panic, leur tout premier album, God. Aujourd'hui même, à l'instant où je vous parle, j'ai appris 2 heures auparavant que Mark Stewart, un des membres éminents de Replicant Panic et puis un des piliers donc, du pop group jeunesse par lequel tout allait arriver dans le son de Bristol, est décédé. Voilà, c'est la petite larme du jour. Difficile de ne pas introduire une actualité comme ça, juste quand elle vous tombe dessus. C'est dans les promesses d'un Cargocule depuis plusieurs mois d'ailleurs, de parler du pop group, et puis de Replugin Panic, de Mafia, pas mal d'autres groupes, Glaxo Babies, tout ça qui s'articule autour d'une identité totalement incroyable. Et si j'en fais le lien là maintenant, et de manière presque un peu hasardeuse, c'est parce qu'effectivement, exactement comme Carver Walter, ça va être le noyau de quelque chose qui va devenir énorme, quoi. Carver Walter, le noyau va s'éclater, c'est ce qui se passe toujours dans ces cas-là, tant pour des problèmes d'ego que pour finalement des problèmes de dimension aussi artistique ou business. On le sait, c'est Richard Harker qui va incarner presque à lui tout seul et jusqu'à la fin de sa vie le groupe. Chris Watson va être dégagé de cet album-là sans même que son nom soit inscrit au générique. Alors que j'insiste sur le fait que ces deux format 45 tours, ces deux formats maxi en tout cas. L'un est fait avec le trio d'origine Chris Watson, c'est le premier, donc les trois premiers morceaux. Et le deuxième qui va beaucoup plus vers la dance et qui à mon avis me paraît le plus moderne, c'était celui-là qu'emportait mon adhésion à l'époque, quand les traditionnalistes de Cabaret Voltaire, parce qu'il y en avait déjà dès 1982-83, eux préféraient le premier maxi. C'est incroyable, cette petite guerre intestine parmi des gens qui adoraient le groupe, mais qui avaient chacun leur parti pris. Donc, parti pris numéro 2, aller vers la dance, c'est clairement la direction que va impulser Richard Harker avec Stephen Malinder, qui au bout d'un moment disparaîtra aussi. À la toute fin des concerts de Cabaret Voltaire, qui étaient annoncés comme des lives de Cabaret Voltaire, c'était des grands lives audiovisuels, un peu impressionnants, voire un peu pompeux. C'est dur de le dire, mais je trouve que la fin de Cabaret Voltaire est un peu lourdingue comme ça. Et c'est en fait Richard Harker qui, sous son nom, reprend finalement l'entité du groupe. Le talent de Richard Harker, mais c'était peut-être aussi une manière aussi de détourner, de perdre l'auditeur, c'était d'avoir multiplié les alias à l'infini. Il y en a 30, 40, quelques-uns beaucoup plus connus que d'autres, Sweet Exorcist, Sandoz, il explore le dub de manière absolument incroyable. Richard Harker, finalement, des trois membres, va être celui qui va être le plus en prise avec l'atmosphère 90s et voire des années 2000 électronique dance, si vous voulez, et sans aller radicalement dans l'expérimentation. Là où les autres le feront peut-être d'ailleurs avec plus de bonheur, mais avec moins d'audience aussi. Harker, qui était le plus jeune des trois, et celui qui va mourir le premier, c'est à 65 ans, c'est assez récent, il meurt en septembre 2021. Voilà, et puis bon, il laisse quand même quelque chose d'assez énorme. On pourra revenir un jour sur Cabaret Voltaire, et dans vos commentaires, vous me demandez, ouais, bonus track, qu'est-ce qu'on met Voice of America, Nag Nag Nag. Ah bah oui, c'est le morceau de Cabaret Voltaire. Mais alors, première période, juste avant 80, le 45 tours, Nag Nag Nag, il fait l'histoire en 79 ou début 80, enfin, pile poil là encore dans un moment charnière, quoi. Non, pour se quitter, alors le bonus track, pour le peu, c'est presque un cadeau empoisonné. Mais finalement, je reviens sur cette histoire de format, du 45 tours, voire de la vitesse. C'était à la mode, en tout cas, ça avait été mis à la mode grâce de manière un peu par hasard, hein, par Brian Eno, de multiplier, de changer les vitesses d'un titre. C'était particulièrement facile sur un titre instrumental, vous l'aviez gravé en 33, vous le jouiez en 45, et plus souvent en 45, vous le graviez en 33. Il m'était arrivé à l'époque, dans mes radios d'époque, et c'était quelque chose que j'aimais faire avec plusieurs disques, mais ça marchait avec peu, c'était jouer volontairement, pitcher très bas, et donc jouer en 33 tours des maxi, 45. Et croyez-moi, ça marche bien avec cet album de Cabaret Voltaire, ça marche bien avec le deuxième disque et pas avec le premier. Tant et si bien qu'on va se livrer à l'expérience. Et pourquoi je le fais ? C'est parce qu'en fait, j'ai vu que maintenant, il y a des jeunes DJ qui reprennent ce truc-là. J'ai lu maintenant qu'il y a des gens qui le font à partir effectivement du disque-là. Donc cette intuition-là, elle n'était pas si marginale que ça. Et c'est très intéressant parce que pour le peu, jouer Cabaret Voltaire, le 45 tours en 33 tours, d'ailleurs, ça sonne comme l'album Pornographie de Cure qui sort en même temps, un an avant, sûrement. Et donc, on est encore peut-être plus dans la Cold Wave, hein, on le serait à moins, puisque si vous ralentissez tout ça, cette dance music, finalement, elle reste relativement métronomique, mais complètement sombre, accablée, beaucoup plus grave. Bref, de la Cold Wave. Mais en tout cas, quand bien même elle remettrait un costume gothique sur elle, elle n'est pas rock'n'roll. Et c'est ça qui la rend intéressante, quoi. Les samples eux-mêmes se retrouvent complètement déliquescents. On sait qu'ils sont chargés d'un message assez politique. Mais là, il se désagrège justement dans le sombre et dans la torture. Je rappelle que c'est un des thèmes principaux de l'album, c'est la torture, avec description de scènes de torture et de techniques empruntées à un manuel de torture. Excusez du peu, mais derrière cette joyeuseté dansante qu'on se plaît à imaginer avant la lettre, l'arrière-plan est loin d'être totalement jovial, quoi. Amusant de constater qu'Abraham Voltaire va faire partie des grands ouvreurs de la génération suivante et puis de la génération Blip qui va enchaîner avec Warp. Le projet Sweet Exorcist de Richard Harker va être un des premiers maxi 45 tours, si c'est pas le premier, c'est le deuxième, de Warp Records. Et il fera l'histoire, évidemment. Je vous incite à trouver ça en ligne, hein. C'est devenu un ultra classique de cette Blip techno, comme on l'appelait, spécialement le cas, hein, c'était vraiment la techno du nord de l'Angleterre, acide, et Blip, elle doit vraiment son nom un petit peu aux consonances sonores qu'on devine derrière ce mot. Là, c'est plus du Blip dans lequel je vais vous mettre pour partir, c'est du blob volontairement assez long. Je vois rapidement s'il y a d'autres commentaires un petit peu attrapés chez vous sur Cabaret Voltaire, parce qu'évidemment, ça vous fait... Oui, très intéressant ça. Il nous dit qu'il y a quand même un lien entre Hopper et Tuxedomoon sur Yashar. C'est pas faux du tout. Et alors Hopper, tiens, ouais, je vais réécouter, spécialement le début alors. Oui. C'était un des groupes que j'avais envie de me remettre sous la dent, donc voilà, ça me met l'idée. Quant à Tuxedomoon, bah oui, j'ai promis d'y revenir et croyez-moi, on y sera. Il y a quelque chose d'un peu plus lumineux chez Tuxedomoon. Probablement on devait ça au violon, à un port comme ça, un peu presque ensoleillé, qui est pas propre à la météorologie locale de Sheffield. Mais bon, Sheffield a quand même rayonné de par le monde. Et oui, et s'il faut conclure là-dessus, principalement du fait de Cabaret Voltaire. Donc on se quitte pour Scargo Cult, lentement, c'est le cas de le dire, lentement, avec ce deuxième maxi, donc pour le peu, je vais vous nommer exactement les titres qu'il compose, le Get Off of My Face, donc qui va être lui très ralenti, mais je trouve que c'est encore plus intéressant sur les deux premiers. Alors je vous dis qu'il vous met dans une espèce de cold wave de l'époque, War of the Nerves, et puis un autre probablement qui m'échappe, j'ai pas tout en tête évidemment, dans ces cas-là on oublie tout, et Wait and Shuffle, cette espèce d'instrumentaux industriels qui deviennent un free jazz qui coulerait dans le bitume, quoi. Il y a vraiment des humeurs et des capacités chez Cabaret Voltaire à évoquer des... Ça doit venir du nom, si vous voulez. C'est de l'art plastique, c'est de l'expression libre, c'est dada dans l'électronique. Merci à eux. C'est quand même un groupe qui va nous manquer énormément. Merci d'avoir été à l'écoute de Scargo Cult. On se retrouve la semaine prochaine. Thank you. Thank you.